Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag, votre rendez-vous avec l'actu locale. Et aujourd'hui dans ce Mag, on va parler anniversaire et pas n'importe lequel. La chorale Loumé fête ses 10 ans vendredi 13 mars à l'espace Ligeria de Mont-Louis avec un concert suivi d'un bal trad avec la Vandale et la Ciguë. Une soirée qui s'annonce chaleureuse, collective et dansante. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Maud Bouillon. Maud qui est membre de la chorale et de l'organisation de cet événement. Bonjour Maud. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née la chorale Loumé il y a 10 ans ? Quelques petits éléments comme ça sur l'origine. Alors, je vais essayer de bien vous résumer ça, étant donné que moi, je suis arrivée dans la chorale 2 ans après. Donc, cette chorale a été formée à l'origine par une violoniste tourangelle qui s'appelle Élise Kusmeruk, qui est donc la chef de chœur de la chorale Loumé. D'accord. Et son envie, je pense, c'était de rassembler. Donc, au début, la chorale répétait dans un bar tourangeau, rue Colbert. Et puis, donc, on peut citer, hein ? Oui. Le Balkanique, voilà, exactement. On les salue. Et ensuite, on a répété ailleurs et aujourd'hui, on se rassemble toutes les semaines dans une salle de Saint-Pierre-des-Corps et on est une cinquantaine de choristes, une quinzaine d'hommes et une trentaine de femmes. Toujours une majorité de femmes. Oui, toujours une majorité de femmes. La particularité de cette chorale, c'est qu'on a tous de 20 à plus de 60. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on en parlait hors antenne, mais quand on regarde les vidéos, notamment sur votre page Facebook, tout ce qui est en ligne, on voit que c'est éclectique et c'est complètement intergénérationnel. Oui, c'est une chorale intergénérationnelle en effet, mais on a tous finalement des métiers différents, on vient de milieux différents, mais ce qui nous rassemble dans cette chorale, c'est cette envie de partage, de joie, cette envie d'émotion aussi. Et Élise Kusmeruk, notre chef de chœur, a à cœur aussi de nous transmettre un répertoire éclectique qui vient des quatre coins du monde. Et c'est justement ces affinités entre vous et cette bonne entente qui fait que cette aventure, elle dure, parce que 10 ans, c'est pas rien pour une chorale. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une véritable entente, une véritable envie de partage qui nous anime tous choristes. Et on a envie, en tout cas, pour ce concert des 10 ans, de transmettre ces envies-là, cette envie de partage, de moments joyeux qui sont importants. Bon, on est bien sûr qu'on ne sera pas déçus. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup en transmission orale. Explication, Maud, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tout à fait. En fait, il faut savoir que dans la chorale Loumé, on n'est pas tous musiciens, on ne sait pas tous lire la musique. Et c'est pour cela que Élise travaille à l'oral, tout simplement. Elle prend du temps pour nous transmettre les textes de manière phonétique. Et puis ensuite, il y a des enregistrements. Donc, beaucoup d'entre nous ne savent pas lire la musique. Mais en tout cas, tout se fait à l'oreille. Voilà. Tu parles de phonétique parce qu'effectivement, tu l'évoquais juste avant, musicalement, vous voyagez complètement. C'est du Pays Basque au Balkan. Ouais. Et c'est Élise, en fait, qui apporte dans sa valise tous ces extraits-là et qui vous les propose. Exactement. En fait, elle va au gré de ses formations et de ses envies glaner des textes, des chansons qui proviennent de différentes régions du monde. Et elle nous les transmet. Alors, même si elle nous donne la traduction, elle nous donne aussi toujours l'intention qui est dans ses morceaux. L'interprétation. Et ça, voilà, c'est ce qui est important aussi pour nous de transmettre, même si on ne comprend pas toujours tout ce qu'on dit. Et je pense que ceux qui viennent à nos concerts ne comprennent pas tout. Oui, mais c'est beau. Voilà. C'est très beau. Et en tout cas, il y a des intentions qui sont là. Et la transmission de l'émotion est importante à mettre en valeur. Oui, puis c'est ce qui fait aussi la singularité, une autre singularité de Loumé, c'est le répertoire. Tout à fait, oui, effectivement, il y a beaucoup de chorales sur le territoire. Il y a un énorme vivier en Touraine et nous, on a cette particularité-là. Alors Maud, le 13 mars, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre sur ce concert des 10 ans ? Est-ce qu'il, par exemple, il y aura des surprises ? Oui, alors il y aura des surprises, je ne vais pas vous les dévoiler aujourd'hui. En tout cas, il faut s'attendre à une soirée joyeuse avec en tout premier le concert de la chorale Loumé, et il sera suivi par deux autres concerts, un concert de la Vandale et un concert de la Cigu. Tout ça agrémenté avec un bar, des food trucks pour pouvoir se restaurer et passer un bon moment en famille, avec des amis, voilà. Pour boire et manger local. Exactement, ça nous tient à cœur. La Vandale et la Cigu, un petit mot de présentation de ces deux formations ? Oui, alors la Cigu, c'est un duo qui nous vient du Berry, qui est composé de Chloé Bourreux, qui est au violon et au chant, et de Étienne Faguet, à la batterie, au chant et aux machines. Voilà, et puis la Vandale, c'est un trio qui nous invite à danser. Et dans ce trio-là, il n'y a pas un membre de Loumé ? Exactement, Karine Bordeaux, qui effectivement chante dans la chorale Loumé, qui sera à l'accordéon. Il y a également Cyril Berthet au saxophone soprano et à nouveau Chloé Bourreux, violoniste, qui est dans la Cigu. Voilà. Mmh. Ah bah pas chômée ce soir-là. Donc là, ce sera un bal, on peut venir même si on ne sait pas danser. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de venir avec l'envie d'écouter et de découvrir et de passer un bon moment. Super. Donc on rappelle que tout ça, ça a lieu le vendredi 13 mars 2026, évidemment. Ouverture des portes à 19h à l'espace Ligeria de Montlouis-sur-Loire. Est-ce qu'il vaut mieux réserver ? Et autre question, est-ce que c'est ouvert à tous ? Alors oui, c'est ouvert à tous. C'est un événement qui se veut ouvert aux plus petits comme aux grands. Les petits, venez avec des casques ou des bouchons. Hein, ça, c'est toujours important. Ouais. Toujours prévenir plutôt que guérir. On peut venir en famille. Pour ce qui est des réservations, il est possible de le faire depuis le lien Hello Asso que vous retrouvez sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram. Et puis, de toute façon, le soir du 13 mars, il sera tout à fait possible d'acheter les billets sur place. Tout d'accord. Au niveau des tarifs, c'est pareil, ce sont des tarifs qui sont super adaptés. C'est-à-dire que vous avez vraiment pensé à tout. Il y a un tarif de base, il y a un tarif de soutien et il y a un tarif préférentiel. En fait. Exactement. On a trouvé que c'était une bonne solution de proposer trois tarifs. Donc il y a un tarif juste qui est 10 euros. Mm-hmm. Il y a un tarif de soutien de l'association qui est de 15 euros. Et il y a un tarif solidaire de 5 euros. Super. C'est bien de penser à tout. Un petit mot pour conclure, Maude ? Oui, bah d'abord, on souhaite que cette soirée soit ouverte à tous. Donc venez nombreux nous écouter, partager un moment, venir jusqu'à nous à l'espace Ligeria à Montlouis. Et puis, on en profite pour remercier le service culturel de la ville de Montlouis qui a permis que cet événement se déroule dans les meilleures conditions qui soient. Et puis, on vous laisse avec un morceau qui sera chanté le soir du concert. Voilà, un titre qui s'appelle « Ketche Kordan » et qui est donc interprété évidemment par Loumé. Donc ne ratez pas surtout ce concert de la chorale Loumé qui aura lieu ce 13 mars à l'espace Ligeria avec en prime un baltrade avec la Vandale et la Cigu. Donc n'hésitez pas à réserver sur Hello Asso. Et comme le disait Maude, eh ben, on va se quitter en musique avec « Ketche Kordan ». Merci Maude Bouillon. Merci beaucoup. Jinju ne pespeu ne wenyu ne nivele, jinju neja. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.